Jazz Jonathan, l'instant sur Maxi France qui a branché tout sur On, un petit peu comme vous d'ailleurs, vous avez branché la radio sur On et c'est très bien, vous êtes avec nous sur Maxi France et nous vous en remercions. Maxi France avec Cyril. Ouais, d'ailleurs toute l'équipe de Maxi France notamment pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à nous écouter, à nous envoyer des petits messages également pour nous soutenir et nous en remercions. On essaye de faire le maximum pour tout simplement vous satisfaire et pour tous ceux qui adorent la chanson française. Voilà, on essaye de faire le max en vous faisant également découvrir des nouveaux artistes de la chanson française. Bel après-midi avec nous et surtout bon dimanche avec la chanson française des années 80 à nos jours. À suivre, c'est Florent Pagny, Tue-moi. Il y aura également Mathieu Chédid qui va arriver avec Onde Sensuelle. Et puis si vous avez écouté depuis ce matin, vous avez peut-être pu vous apercevoir qu'il y a maintenant une petite virgule, une petite note des années 70 qui vient se rajouter à la programmation Maxi France. Voilà, ça va être de temps en temps comme ça, quelques gros titres des années 70 qui vont venir tout simplement s'ajouter à la programmation Maxi France. Comme promis, Mathieu Chédid arrive tout de suite avec Onde Sensuelle et M. Allez, merci d'être avec nous. J'entends encore l'onde sensuelle de ta bouche sur la mienne.